Le maréchal Kim Jong-un a reçu le discours un message de félicitations de la part du président palestinien Mahmoud Abbas, président du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine. Le destinataire a adressé à l'occasion de la journée de fondation du Parti du Travail de Corée les meilleures félicitations et vœux aux camarades Kim Jong-un et au peuple coréen ami au nom de l'État et du peuple palestinien ainsi que du président et souhaité santé et bonheur au maréchal et plus grand progrès et prospérité au peuple coréen. Fier des liens d'amitié historique et de respect mutuel noués entre les deux pays et les deux peuples, il exalte la position de la République populaire démocratique de Corée, soutenant le droit national et la lutte des Palestiniens pour mettre fin à l'agression et établir un État indépendant ayant pour capitale le Jérusalem-Est qui sera une ville de paix, de réconciliation et de coexistence.